Va falloir que tu m'aides un peu. J'ai jamais su y faire avec les meufs. Va falloir que tu m'aides un peu. Faudra que tu m'apprennes un peu.